Une histoire d'amour par Jules Janin. Ce fut le soir vers les 7 heures quand les premiers rayons de la lune se croisent amicalement avec les rayons du soleil couchant, quand chaque laboureur est sur sa porte, attendant le seul sommeil qui ne se fait pas attendre, le sommeil du laboureur, que je me trouvais à moitié brisé sur la route. On eut quelque peine à me transporter dans une bonne maison. Figurez-vous un grand pigeonnier, une maison au sommet pointu comme le chapeau de Sganarel, mais d'une physionomie honnête et calme. Cette maison n'avait qu'un rez-de-chaussée. 2 lits occupaient cette chambre. L'un de ces lits était pour la vieille Marguerite, dans l'autre s'étendait, chaque soir, sa jeune nièce Fanchon. Oui, elle se nommait tout simplement Fanchon. « Je ne t'arracherai pas ton nom, ma jolie brune. Non, par Dieu, je ne le changerai pas contre tous les noms de la maison d'Autriche. Tu resteras Fanchon pour moi. » Il y a quelque chose de poétique dans la position d'un homme blessé. D'abord, je ne sais quelle apparence héroïque le soutient contre la douleur. Après quoi, il est tout étonné de trouver cette douleur moins vive qu'il ne l'aurait imaginée. Ajoutez qu'on l'entoure d'intérêts et de tendres plaintes, et qu'il entre d'abord aussi avant dans l'hospitalité que s'il était connu depuis des années. Et puis la tête se trouble légèrement. La pensée se repose en même temps que le corps. 1000 rêveries confuses vous bercent mollement. Longtemps vous avez l'espoir de faire un songe. Ainsi j'étais quand on me transporta chez mon hôtesse. On fit un 3e lit dans cette chambre, entre le lit de la tante et celui de la nièce. Je devais reposer à côté de Fanchon, au Meureux. Premier privilège du blessé. Après le premier appareil, on se retira pour me laisser dormir. Tout blessé que j'étais, j'eus une vision, ma première vision d'amour. C'était plus beau même que le regard de ma cousine Hélène. Voici ma vision. J'étais couché depuis 1 heure. Tout faisait silence autour de moi. La lune entrait par le haut de la maison, par la porte, par les fentes du toit, par la cheminée, par les moindres crevasses, par la chatière. J'en étais inondé. Le mouvement était encore mon maître, m'entraînant en avant, en arrière, dans les fondations et sur les combles. Je dormais d'un œil, je veillais de l'autre. Ma jambe malade était sans douleur. Je souffrais de l'autre jambe. Ma tête tournait, mon cœur était calme. Tout à coup, je vois entrer dans ma chambre et en silence 2 femmes que je n'avais pas encore vues, l'une vieille, l'autre jeune. Celle-ci rose et fraîche, celle-là pâle et ridée. Quelques cheveux blancs sur ce front sillonné de rides, de longs cheveux noirs sur ce col poli comme l'ivoire. « Bonsoir, Fanchon, » disait la bonne femme tout bas. « Bonsoir, grand-mère, » disait Fanchon. Et ces 2 femmes, qui touchaient aux 2 extrémités de la vie, se penchèrent sur mon lit et s'embrassèrent en répétant tout bas « Bonsoir ». Bien des chagrins et bien des années ont passé sous ma tête. J'ai perdu bien des souvenirs aigus. Je me souviens toujours de ce baiser ainsi donné par-dessus mon front. Cela est d'un effet qu'on ne peut décrire. La glace d'un côté et le feu de l'autre. À ma droite, la vieille femme, à ma gauche, ce jeune sein si frais et si blanc. Ce baiser qui me fait horreur, ce baiser qui me rend du fou d'amour, je n'imagine pas de supplice pareil. Les 2 femmes s'agenouillèrent. Alors seulement, j'aimais assez les mains ridées de la vieille, son bras hâlé, son attitude courbée, sa figure pensive. Je ne voyais de Marguerite que le col, les cheveux, les épaules et les 2 talons appuyés l'un contre l'autre. Des 2 côtés, j'entendais un chuchotement religieux. À ma droite, grave et lent, courir rapide à ma gauche, avec un accent haletant, un souffle prolongé, une tête qui se penche sur un corps qui reste droit. Il était impossible d'y tenir plus longtemps. Je fermai les yeux et je poussai un grand soupir. Aussitôt Fanchon est debout, elle est à mon chevet. « Qu'avez-vous ? » me dit-elle, comme si elle priait encore. « Où souffrez-vous ? » « Je brûle, » dis-je à Fanchon, et je lui pris la main. Il sentit que je brûlais. La vieille Marguerite acheva sa prière, puis elle vint à moi. « J'ai froid, bonne mère, » lui dis-je. Il prit ma main, et il sentit que j'avais froid. C'est qu'en effet je brûlais, j'avais froid. J'ai une vive douleur à la tête, Fanchon, et au cœur. Les 2 femmes se penchèrent sur mon front pour voir s'il pâlissait. Je fis encore semblant de m'endormir. Du côté de Marguerite, j'étais dans l'ombre, et du côté de Fanchon, sous un joyeux rayon de lune. Je fus mieux. À la fin, je m'endormis, bercé entre le ronflement de la bonne femme et les légers soupirs de sa jolie enfant. Quel rêve, je fis alors. Jamais je n'avais été aussi loin de la cour d'Autriche, de ma principauté de Brunswick et des princes de Wolfenbüttel. Permettez-moi de vous parler de ses premières amours. Fanchon était une fille vive et joyeuse, agaçante et hardie. Elle veillait sur moi, elle pansait ma blessure, elle se levait la nuit au hasard pour me donner à boire quand la fièvre me dévorait. Je guéris lentement. Fanchon fut patiente. Quand je pus me lever, Fanchon m'offrit son bras. Fanchon m'apprit de nouveau à marcher. Je fis durer les leçons longtemps. Bientôt, ce fut entre elle et moi une conversation suivie. Elle me fit ses confidences, elle me raconta ses moindres châteaux en Espagne, puis elle riait, puis elle pleurait, puis elle sautait. « Prenons garde, Fanchon, tu vas me faire tomber. » Seule, pendant 3 mois, elle fut ma consolation et mon bonheur. J'assistais à sa toilette. Je tenais devant elle le fragment du miroir où se reflétait son visage. Je lui présentai le ruban qui nouait ses longs cheveux. Je serrai le corset qui pressait sa taille. Fanchon se servait de moi sans façon, sans excuse, comme elle m'avait servi. Quelquefois même, elle s'emportait contre sa soubrette maladroite. Elle me boudait et elle se sauvait derrière ses rideaux pour achever elle-même la toilette que j'avais commencée. Qui aurait dit à Fanchon, « Fanchon, votre femme de chambre est un grand seigneur allemand. » Ne l'aurait pas étonné, j'en suis sûr. À tant de séductions ingénues, je résistais vainement. Malgré moi, je me sentais vaincu par ce doux supplice. « Bonsoir, Fanchon, » lui disais-je chaque soir, et chaque soir, elle était endormie avant que j'eusse eu le temps de lui dire encore une fois « Bonsoir. » 15 jours après notre première promenade, Fanchon ne dormait plus. Elle poussait de longs soupirs, elle était agitée. Elle se levait le matin avec des yeux enflés. Elle était pâle, toute pâle, comme une grande dame. « Êtes-vous donc malade, Fanchon ?» Fanchon ne répondait pas. Elle avait comme des accès de joie et de tristesse. Elle versait des larmes, elle éclatait de rire, elle était folle. Il fallait la voir dans ses bonheurs, il fallait la voir dans ses tristesses. Moi, je n'osais pas seulement poser mes lèvres sur le front de Fanchon. Sa tristesse devint si forte que je me mis à y penser sérieusement. En vérité, je n'avais pas envie d'agir envers elle comme un vil séducteur. Oh non, je ne surprendrais pas tant d'innocence. Non, je ne plongerais pas la pauvre fille dans cette trompeuse illusion d'un moment qu'elle paierait de tant de larmes. Disant cela, je me tenais à moi-même de longs raisonnements de morale et de vertu. Je me rappelais de toutes mes forces le beau trait de Scipion. Ajoutais que je n'osais pas regarder Fanchon, ni lui prendre la main, ni lui dire « Fanchon, je t'aime ». Ma timidité égalait au moins ma vertu. Quand j'avais honte d'être si craintif, j'aimais mieux croire que j'étais vertueux. Bientôt, ma passion prit un autre cours. Mon cœur s'attacha à un autre raisonnement. Si j'en avais le courage. Oui, me disais-je en contrefaisant le brave, si cependant j'avais la force d'épouser ma jolie villageoise, de demander ta main à ta mère, Fanchon. Allons, courage, Frédéric, préfère le bonheur à la vanité. Jette loin de toi le nom qui te pèse, le blason qui t'embarrasse. Reviens à la nature, à la beauté, à l'innocence. Ainsi je me disais pendant le jour ces fades paroles, à l'usage de toutes les passions qui résonnent. La nuit, mes songes étaient aussi pénibles que mes raisonnements d'homme éveillé. D'ordinaire, je ne dormais pas que Fanchon ne fût endormi. Alors, vaincu par la fatigue, je fermais les yeux quelque temps, et encore, ce court sommeil était-il assiégé par 1000 fantômes. Je voyais tous mes ancêtres s'élever contre moi. Mes chevaleresques aïeux armés de pied en cap, mes nobles aïeuls faucons au poing. Toute cette noble foule d'inconnus était à mes genoux, me priant, me suppliant, les mains jointes, de ne pas déshonorer leur race par une indigne mésalliance. « Que vous m'avez coûté cher, ô prince de Wolfenbüttel !» Un jour, le temps était mauvais, l'hiver commençait à se faire sentir, et les oiseaux de la ferme étaient blottis tristement sous les buissons chargés de neige. Je me dis à moi-même « Du courage !» Qu'importe après tout à l'Allemagne, il faut en finir, mon bonheur le veut, il faut que Fanchon soit à moi, il faut qu'elle sache enfin que je l'aime. Fanchon, princesse, Fanchon, reine de mes domaines. En songeant à tant de générosité, j'avais peine à me reconnaître. Je me croyais un martyr de l'amour. Donner un si beau nom à une simple fille. Un instant, je me crus un héros. Survint Fanchon. Elle était plus rêveuse que de coutume. Elle s'approcha de moi et s'inclina. « Voulez-vous placer mon chapeau sur ma tête, monsieur Frédéric ?» me dit-elle. Je plaçai son chapeau sur sa tête, un peu de côté comme elle en avait l'habitude. Je fus remercié par un sourire. Ce sourire m'enhardit. Pour la première fois, j'embrassai Fanchon. Elle ne retira pas ses lèvres, au contraire, s'approchant de moi de plus près et avec un regard caressant. « Voulez-vous venir m'attendre au carrefour de la forêt, demain à midi ? Je vais aujourd'hui à la ville. Je ne reviendrai que demain. Viendrez-vous au-devant de moi, Frédéric ? J'ai à vous parler. » « J'irai, Fanchon, j'irai demain, n'en doutez pas. À demain, donc. Mais pourquoi partir aujourd'hui seul et par ce mauvais temps ?»« Il faut que je parte, » dit Fanchon. « Il faut absolument que je parte. À demain, sur le grand chemin, vers le banc de pierre, à côté de la fontaine. » Et elle me tendit encore la joue. Je l'embrassai de nouveau et elle partit. Et je ne saurais vous dire ce que je fis. Ce à quoi je pensais jusqu'au lendemain matin. Vint le lendemain. Il faisait encore plus froid que la veille. J'arrivai le premier au rendez-vous, regrettant de ne plus boiter. Le banc de pierre était couvert de neige. Le vieil arbre n'avait plus de feuilles. On n'entendait plus le murmure de la source. La poussière ondoyante de la grande route ne s'élevait plus joyeusement en tourbillonnant sur les pas rapides du voyageur. Que ce lieu était changé, que ce calme me fatiguait. Peu à peu, j'en revins à ma position personnelle. Je me consolais de finir ma carrière en ce lieu même où j'étais tombé, sur ce banc de pierre où je m'étais reposé si souvent durant ma blessure. Ici, me disais-je avec attendrissement, va s'achever tout le roman de ma vie. Ici même, je vais revenir à une existence calme et sage. Honneur à un patriarche de 20 ans. Je sentis une petite main s'appuyer légèrement sur mon épaule. C'était la sienne. Bonjour, Fanchon. Et je me sentis plus heureux que je ne l'avais jamais été près d'elle. Embrasse-moi donc, lui dis-je en la tutoyant pour la première fois. Alors seulement je m'aperçus que Fanchon n'était pas seul. Elle donnait le bras à Julien, mon valet de chambre. Je fus honteux d'avoir été surpris dans un tel moment par Julien. Que faites-vous ici, Julien ? Lui dis-je tout ému. Allez m'attendre à la maison, monsieur. Julien ne partit pas. Fanchon le retint. Avec quel regard et quel sourire, elle le retint. Elle eut l'air de lui dire « Julien, tu n'as plus de maître. » Elle la franchit d'un coup d'œil, puis sans autre précaution et d'un ton décidé. « J'ai besoin de Julien, » me dit-elle. « Je viens vous parler pour lui. Julien m'aime, monsieur le comte. Je l'aime aussi. Mes parents consentent à notre mariage. Nous venons vous prier de nous être favorables. » Et quand elle eut tout dit, elle se retourna vers Julien et elle le regarda, et elle lui sourit de nouveau, et elle ne fut pas inquiète de ma réponse un seul instant. Quel changement, grand Dieu ! L'enfant soumis faisait place à la femme résolue. La passion remplaçait la naïveté. À présent que je n'étais plus malade, Fanchon m'abandonnait comme on quitte une tâche accomplie. Elle faisait de l'égoïsme avec un autre que moi. Pour moi, au premier mot de Fanchon, je m'étais senti perdu sans retour. J'étais honteux de mon héroïsme inutile. Revenir si subitement sur une décision qui m'avait tant coûté, quel malheur! Sans songer à mes angoisses, Fanchon regardait Julien, Julien regardait Fanchon, également passionnés tous les deux. Ce spectacle me fendait le cœur. J'étais si ému qu'il ne me vint pas en idée à quelle rivalité je m'exposais. Telle fut ma première leçon d'égalité. La leçon me profita depuis. Cependant, et comme pour me donner une contenance, je portais mes regards du côté de l'Allemagne, loin, bien loin du monde où j'étais. Ainsi commença et finit ma première histoire d'amour. Et nous étions au siècle de Louis XV, au siècle de Madame de Pompadour et de Diderot.